Le temps se crucifie, le temps est maître. Le martyr, il m'agace, se plaint tout le temps du temps inutile qui se perd souvent, trop souvent. J'ai peur de vieillir. Je te veux à l'envers du temps, car plus il passe, plus notre rupture est proche. Comme je sens la laine de la mort passer sous mon nez, mais je ne meurs pas. Loin de là. Comme tu disais que la vie est belle, et comme d'habitude, je n'écoutais pas. Tu m'en voulais, je m'en voulais. Mais pourtant, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. J'en ai vu courir des hivers par la fenêtre en attendant que cela devienne beau. Je perds du temps, tout ce temps inutile que je perds, décousu, le temps file pour me voir vieillir. Mais il sait combien je résiste, l'espoir traîne ses filets de temps en temps, et je sais retrouver les belles choses qui me font vomir, qui te font m'aimer davantage. Comme tu disais que la vie est belle, et comme d'habitude, je n'écoute pas.